45 minutes pour faire le tour de l'actualité. Et dans une demi-heure, nous accueillerons d'abord nos champions. Ils sont de retour, les athlètes de Rio, par dizaines, par centaines. Leur vol a atterri en milieu de matinée à Roissy. Vol spécial, s'il vous plaît, affrété par Air France. Et vous les entendrez, l'euphorie brésilienne n'est toujours pas retombée. À 12h30, également, ce gros coup de chaud qui est en train de s'abattre sur la France. On va allègrement dépasser les 30 degrés cet après-midi, voire 35 degrés dans le centre, l'ouest, du côté de Bordeaux également. Témoignages et conseils à suivre. Nous reviendrons aussi sur l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. On va essayer de décortiquer son programme économique. On reviendra aussi sur le prix des fruits et légumes, prix qui ont explosé cet été. Vous l'avez peut-être constaté encore ce matin, c'est l'association Famille Rurale qui le dit, plus 18% pour les fruits, plus 10% pour les légumes. On essaiera de comprendre aussi la météo est la seule responsable de ces hausses de prix. Et puis une idée qui est en train de faire son chemin, payer les fumeurs pour qu'ils arrêtent la cigarette. Leur donner toutes les semaines ou tous les mois de l'argent s'ils respectent le contrat avec les médecins. Ça se fait déjà en Suisse, on verra avec quel résultat, sachant qu'une expérimentation est aussi en cours en France. Voilà le programme d'Europe Midi. Rendez-vous à Nice dans une demi-heure maintenant. Je vous rappelle le nouvel horaire d'Europe Midi, 12h30, 13h15. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Maxime Souitec. Reste avec nous dans un instant. Ça pique, mais c'est bon, avec toute l'équipe d'Anne Romanoff sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1. Il est midi. Europe 1. Ça pique. Ça pique, mais c'est bon. Midi, midi 30. Mais c'est bon, mais c'est bon. C'est bon, mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 236e jour de l'année, le mardi 23 août 2016. Nous fêtons les roses, Rosette, Rosita, Rosie, Rosaine, Rosae, Rosa, Rosas, Rosarum, Rosis, Rosis. Ici, on aime les roses parce que ça pique, mais ça sent bon. Un peu comme moi. Ah oui, oui. Cet après-midi, il va faire chaud dans toute la France, mais très très chaud. Alors pour vous rafraîchir et pour assaisonner l'actualité avec nous, on vous propose un cocktail pimenté avec Willy Rovelli. Willy Rovelli nous parlera de Cécile Duflot, il nous parlera des JO. On vous propose un cocktail frappé avec Jean-Philippe Visini. C'est moi. Qui se demandera ce que Jean-Pierre Chevènement a voulu dire quand il a parlé de musulmans discrets. Et enfin, une boisson rafraîchissante avec Antoine Bueno. Bonjour, bonjour à tous. Qui nous expliquera ce qui monte et ce qui descend en France en ce moment. Nous, on vous donnera 10 idées pour croire que vous êtes encore en vacances alors que vous êtes rentré. Et j'appellerai un Brésilien pour me plaindre de la manière dont la France a parfois été traitée aux Jeux Olympiques. Europe 1, Anne Romanoff. Hier, nous avons une nouvelle incroyable, inattendue, stupéfiante. Non, on voit vraiment pas. Hein. Ça y est, alléluia, Nicolas Sarkozy est candidat. Mais je sais pas vous, mais moi j'ai eu tellement peur. À un moment j'ai douté de mon Nicolas. C'est vrai, j'ai eu peur qu'il se décourage avec Juppé qui est si haut dans les sondages. Fillon qui rayonne de joie de vivre. Bruno Le Maire qui n'en finit pas de décoller. Et puis toutes les autres, NKM, Mam, Morano. Ça fait rêver. La Lorraine qui a tout d'une quiche. Mariton qui est tellement charismatique. Je me suis dit peut-être qu'elle allait reculer dans la primaire, mais non. Mais non, il est candidat. Nicolas est revenu. Ouais. Oh là là, je vous sens pas super enthousiasmé par la nouvelle. Ah bah on fait ce qu'on peut, hein. Moi, je trouve ça incroyable. Je commence une nouvelle émission sur Europe 1 et paf, le deuxième jour, il revient. Il l'a fait exprès, c'est sûr. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? C'est ce que je me suis demandé ce matin en regardant mon mari. Non, mais c'est beau cette candidature de Sarkozy. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'immunité. Non, mais avouez qu'il a confiance en l'avenir. Son QG de campagne est loué jusqu'en mai 2017. Si ça se trouve, il a déjà réservé un camion de déménagement pour François Hollande. Et puis en plus, Nicolas Sarkozy a officialisé sa candidature dans un livre qui a été tenu secret. Et ça, c'est incroyable. Non, pas le livre, que Sarkozy ait réussi à rester discret. Le livre s'appelle « Tout pour la finance ». Pardon, « Tout pour la France ». Il a écrit « La France exige qu'on lui donne tout ». Oula, il va encore augmenter les impôts ? Alors, il y a 5 chapitres, hein, « Vérité, identité, compétitivité, autorité, liberté », on dirait le programme du bac philo. Je pense qu'il répond à des questions très profondes, comme respecter l'autorité en préservant nos libertés, mais aussi comment niquer Alain Juppé sans se faire remarquer, comment piquer plein d'électeurs à Marine Le Pen sans copier toutes ses idées. Il faut avouer que, quand même, non mais... Oui, bah oui, il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Que, il aurait pu rester en pré-retraite, Sarkozy. Il aurait pu accompagner Carla à ses concerts, faire des conférences, profiter de la Dolce Vita. Chantez bien. Oui, je vous remercie. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir de présent à la République, parce que c'est pas facile comme boulot. Puis excusez-moi, l'Élysée, c'est pas central. C'est vachement isolé. La déco, elle date de Pompidou. Chirac a sifflé toute la cave. La vraie question, c'est est-ce que la candidature de Sarkozy prendra des voix à Nicolas Dupont-Aignan? Eh ben non, puisqu'il n'en avait pas. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on en pense, Sarkozy, Montebourg, Juppé, Le Pen, Hamon, Mélenchon, Duflot, Hollande, s'en fait des candidats. Espérons qu'en mai 2017, ils ne nous déçoivent pas et qu'ils n'oublient pas, comme le dit si bien Black M, que... Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi, je suis chez moi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce clip formidable de Black M. Pourquoi, ah oui. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plein de stars qui apparaissent. Des immenses stars. C'est-à-dire les plus grandes stars sont là. Il y a qui? Ah ben, il y a Rihanna, Beyoncé. Ils sont allés chercher encore plus loin. Ah là, il y a du lourd. Y a mais du... qui? Du lourd, c'est-à-dire en poids? Non, qui ça? En autorité. Il y a une star internationale, planétaire. Dans les clips de rap. Oui. Non, mais c'est la première fois que je suis dans un clip de rap. Et la dernière fois. Ils avaient du budget. Je voulais vous le signaler, il y a Youssoupha, il y a Amadou et Mariam, il n'y a pas que moi. Il y a que des belles nanas. Non, mais dans le rap, c'est une valeur sûre. Mais hein, je chante et je danse, mais le bêtisier à la fin. Ah bah voilà, c'est elle ça est que dans le bêtisier. Dire. Parce que j'avais proposé de danser, ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit non, ça va aller. Et ils m'ont gardé dans le bêtisier, donc. C'est un bon début. Donc regardez ce clip. Non, mais c'est un très beau clip, sérieusement. Allez, on l'écoute encore. Je suis français. Ça pique, mais c'est bon. Certains d'entre vous ont déjà repris le boulot, hein, nous les premiers, mais on va vous donner 10 idées pour croire qu'on est encore en vacances quand on est déjà rentré. Eh ben, première suggestion, continuez de prendre votre petit-déj comme à la chambre d'eau dans un grand bol oreille décoré maison, avec un bon gâteau maison, des confitures maison, du bon beurre maison et des bourrelets maison. Alors, pour vous sentir toujours en vacances, ayez toujours dans votre sac à main un tube de crème anti-moustique, un aspi-venin, votre contrat Europe Assistance, un rouleau de papier toilette et des pansements pour les ampoules. Pour vous sentir encore en vacances, osez le bob et le pantacourt à ficelle jusqu'à la mi-novembre et assumez d'exposer vos orteils poilus et difformes au bureau jusqu'à ce que vos collègues se plaignent au DRH. Pour vous sentir encore en vacances, venez au bureau en maillot de bain. Comme ça, vous lancerez une nouvelle mode, le bureau-kini. Alors, profitez de chaque instant pour pratiquer les mouvements de Qigong, appris en stage pendant l'été. Au volant, travaillez la posture du chat qui sourit. En réunion de service, adoptez la posture du tigre qui dort. Si vous travaillez à la poste ou à EDF, ben c'est bien, vous ne verrez pas la différence avec vos vacances. On va encore recevoir des mails, Willy. Déjà, je ne répondrai pas, donc vous fatiguez pas. Faites la grasse matinée, levez-vous à midi, puis faites la sieste. Ah non, là, c'est pas que vous êtes en vacances, c'est que vous êtes au chômage. Pour vous sentir encore en vacances, allez vous doucher dans la salle de bain, mais avec votre serviette de plage. Pour vous sentir encore en vacances, faites comme moi. Aspergez-vous de citronnelle avant de vous coucher, alors que ce qui fait bzzz dans la chambre, c'est votre partenaire qui ronfle. T'as un partenaire, Willy? Apparemment, oui. Ouais. Ça, c'est un surtout, je ne savais pas. Pour vous sentir en vacances, demandez à votre chef, c'est à quelle heure l'aquagym? Et enfin, pour vous sentir encore en vacances, dites à vos collègues de bureau, ouais, c'est sympa ici, nous on revient tous les ans. Ça pique, mais c'est bon. Midi, midi 30, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Il est temps de retrouver mon chouchou, Willy Rovelli. Anne, aujourd'hui, je sais pas vous, mais alors moi je crève de chaud. Alors, je sais pas si c'est la hausse des températures ou la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy, mais j'ai mes vapeurs. Bon? Oui, alors tout d'abord, je suis sincèrement heureux de vous refaire une émission de radio avec vous, Anne. Vraiment, vous n'avez pas changé. Le public non plus, d'ailleurs, n'a pas changé. Vous êtes rentré chez vous depuis 2 ans, là. De toute façon, c'est toujours les mêmes. Ah non, moi, j'ai chaud. Dimanche, alors tu sais, j'étais pas bien. J'avais le cafard, la fin des vacances, tout ça. Je traînais un vieux... blues. Et là... Cécile Duflo annonce sa candidature à l'élection présidentielle. La poilade. L'autre, elle sait très bien qu'elle va se prendre une raclée, mais elle y va. C'est comme moi en boîte de nuit, je sais très bien que j'ai aucune chance. Salut, ça te dirait un ou deux verres? Non merci, j'aime pas la poésie. Mais j'y vais quand même. Avec tous les râteaux que je me prends, tu sais que mes potes m'appellent Jardiland. Hein. Alors pour séduire le grand public, Cécile Duflo a avoué dans Paris Match, tenez-vous bien, qu'elle aurait aimé être championne de curling. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas plus rassembleur comme sport que le curling. Hein. Souvent, on voit des hordes de nanas sur les champs là qui disent « Mon Dieu, t'es champion de curling, oh là là, vite, fais-moi l'amour !» Les écolos, ils te disent de pas gaspiller la lumière, mais elle, ça va, hein, elle l'utilise pas beaucoup, la sienne. Hein. Pourtant, moi, je l'aime bien, là, du flow, normal, je suis écolo. D'ailleurs, j'adopte déjà tous les gestes écolos. Oui, ah bon, comme Denis Baupin, dès que je vois une femme, je lui fous la main au cul. Oh. En revanche, ce qui est vrai, c'est que depuis 2 ans, et ça, c'est vrai, depuis 2 ans, le matin pour économiser de l'eau, je fais pipi sous la douche. Oh, et oui, non mais c'est vrai. Et je fais mes bains de pied dans la cuvette. Oh. Je me rince les dents dans le bidet et je fais popo dans mes plantes. Non, mais c'est dégoûtant. Voilà, bah oui, mais c'est comme ça. Oui. Maintenant, j'ai mes dents qui sentent les pieds et mes roses qui puent la merde. J'ai plus d'amis, plus de famille, mais je suis écolo. Voilà. Non, mais cette tendance, Renaud aussi, il économise l'eau, tu vois, dans son pastis, il en met pas. Chez lui, il ne boit plus. Bah, ce qui vient. Chez lui, pareil, qu'il fait le tri sélectif, sa poubelle blanche pour sa bouteille et sa poubelle verte pour lui. Les déchets. Sinon... Oh. Oh, ça... oh, voilà, c'est fait. Sinon, cet été, pour la première fois de ma vie, j'ai essayé un truc qui s'appelle Blablacar. Vous connaissez Blablacar? Oui. Connaissez ouais. Alors, Blablacar, c'est un site qui met en relation des conducteurs qui voyagent avec des places libres, avec des passagers qui recherchent un trajet. Voilà. En gros, au lieu de prendre votre voiture, vous prenez celle d'un autre. Bon, ça existe déjà, hein, ça s'appelle le vol. Mais là, ça coûte quelques euros, mais avec des inconvénients. Par exemple, en juillet dernier, je voulais faire un Dunkerque-Mulhouse. Je me suis inscrit. J'attends toujours. Parfois aussi, le chauffeur te donne rendez-vous, mais ne vient jamais. Du coup, toi, t'attends, et tu finis par chanter la chanson de France Gall. Bla, bla, car. Toujours aussi bien. J'arrête là, je sais ce que vous vous dites, Anne. Oulala, son inspiration sur l'écologie a l'air d'être comme ses toilettes, sèche. Ça pique, mais c'est bon. Europe 1, midi, midi 30, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Chaque jour, on vous offre une petite sélection des nouvelles qu'il fallait retenir du jour. On commence avec le sport. La France est 7e au tableau des médailles, ce qui est une manière beaucoup plus sympathique pour dire qu'on n'est pas dans le trio de tête. Au JO, Usain Bolt aurait été un fidèle, quoi ? Bon, enfin, moi je dis qu'on n'a rien à lui reprocher, le mec a jamais caché qu'il était coureur. Aux Jeux Paralympiques de Rio, faute de financement, certains athlètes n'auront pas de repas. Le CIO aurait tenté d'expliquer « pas de bras, pas de chocolat ». Estelle Mosley et Tony Oka, les deux champions olympiques de boxe, sont en couple. Le secret de leur amour, quand ils s'engueulent, ils prennent des gants. Des nouvelles économiques maintenant. Les prix des fruits et légumes ont battu un record cet été. La prochaine fois, c'est eux qu'on va envoyer au JO. Puis il y a une bonne nouvelle quand même. Forte recul du chômage de 0,3%. Enfin moi, quand mon poids recule de 0,3%, je me vante pas. Hein. Oui, à l'échelle d'un chômeur, 0,3%, c'est comme si un de ses doigts de pied s'était remis au boulot. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, mais la consultation chez le généraliste passe de 23 à 25 euros. Moi, je trouve ça normal. Mon coiffeur aussi est à 25 euros et en plus, c'est pas remboursé. Vous avez un coiffeur? Oui, j'ai un coiffeur. Ah. Enfin, là, il est en vacances. Changez-le. Et enfin, des nouvelles de la culture. Oui, Michel Polnareff, ancien exilé fiscal, célèbre, hein, est l'invité vedette de la prochaine fête de l'humanité. Ouais, parce qu'en fait, Florent Pagny et Didier Barbelivien, ils n'étaient pas libres, quoi. Dans un nouveau film qui sera présenté au festival du film francophone d'Angoulême, Isabelle Adjani incarnera un médecin du travail. Heureusement, c'est une fiction. Hein. Si tous les médecins du travail ressemblaient à Adjani, la moitié des salariés feraient la queue pour avoir un arrêt maladie. On se retrouve. vous dans quelques instants et j'appellerai un Brésilien parce qu'il y a eu des petits problèmes d'arbitrage aux Jeux Olympiques et pour me plaindre que les Brésiliens n'ont pas toujours été gentils avec. On a eu 42 médailles, mais il y a eu des petits soucis, donc j'appellerai pour me plaindre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, on est 1482 sur la page Sapique, mais c'est bon. Et sur Twitter, on n'est que 320, donc on compte sur vous pour nous rejoindre. On se retrouve dans quelques instants, ne bougez pas. Et Jean-Philippe Bizini nous expliquera comment devenir un musulman discret. Exactement. Ça pique, mais c'est bon. Reviens dans un instant sur Europe 1. Carrefour. Oh chérie, t'as vu, chez Carrefour, on économise un max sur les grands formats. Par exemple, jusqu'au 5 septembre, pour 3 packs de lait Candy à origine France achetés, le quatrième est gratuit. Le quatrième gratuit? Énorme! Et c'est comme ça pour plein d'autres produits. Au fait, j'ai besoin de toi pour faire de la place dans le placard. Bien sûr. Jusqu'au 5 septembre, dans les hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez d'un max d'économies sur les grands formats. Par exemple, pour 3 packs de lait Candy à origine France achetés, le quatrième est gratuit. Valable sur le pack de demi écrémé 6 fois 1 litre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. Au salon de... J'ai changé mon camping-car, alors j'attends le 24 septembre avec impatience. Ah oui, pourquoi? Ah bah c'est le salon international des camping-cars, caravanes et mobil-homes de Paris de Bourget. Le plus grand salon de France avec plus de 1000 véhicules exposés. Alors là, je suis sûr d'y trouver exactement le camping-car que je veux. Oui, mais au niveau prix, c'est comment? Bah, prix salon, prix canon. Du 24 septembre au 2 octobre, au Salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget, découvrez le plus grand choix de camping-cars, caravanes et mobil-home. Bloquez déjà vos dates? Wepa! Alain Afflelou, l'été fou continue jusqu'au 31 août chez Afflelou. Oui. Chin Chin, cet été ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Afflelou. Chin Chin, jusqu'au 31 août, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Oh, fini les vacances. Demain, pour moi, c'est la rentrée. Eh ben, comme réveil matin, je vous propose un grand café pour partir du bon pied, hein? Chez U, pour l'achat de deux lots de deux paquets de 250 grammes de café moulu l'or de Maison du Café, le troisième lot est gratuit. Soit les trois lots de café moulu l'or à 10,14€. Oh, génial. Avec du café gratuit, on bondit du lit. Moi, je bondis, hein, j'arrête pas. Intense ou doux, soit 6,76€ le kilo, c'est jusqu'au 3 septembre dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Le zéro, ça vient des Grecs, non? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute à l'aise? En fait, c'est Ford. Ah oui, on en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800€. Crédit auto 0%, 2 000€ d'apport pour 10 000€ empruntés, puis 36 mensualités de 277,78€. Montant total du 10 000€, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voire Ford.fr. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Ça pique, mais c'est bon avec nous toujours aujourd'hui. Willy Revelli. Oui, ah oui, oui, je suis là. Jean-Philippe Bizini. C'est moi. Antoine Guénon. Je suis là aussi. Anne Romanoff est là aussi. Regardez, elle est belle. Enfin, elle est belle. Ah, elle fait ce qu'elle peut. À 50 ans, hein, tu sais. Non, c'est vrai. Ah, 50 ans de carrière. 50 ans de non, carrière. De très beau reste. Oh, merci. Non, c'est vrai. Non, non, mais 51 ans, le 25 septembre, pour ceux qui veulent nous souhaiter. Zut. Pourquoi zut? Il va falloir faire un cadeau, ça approche. On avait un peu de temps. Alors, j'ai appelé le Brésil, enfin, un Brésilien à Paris, pour me plaindre du traitement qui avait été réservé à la France. Maison du Brésil, bonjour. Je suis à la Maison du Brésil. Oui, madame. Franchement, monsieur, vous n'avez pas été cool à Rio. Hein. Ah, pas du tout. Hein. Qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez eu le sportif français, la Renault Lavillenie? Ah, le perchiste. Oui. Et vous avez piqué la médaille à la pauvre nageuse et tout? Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Mais quand même, elle a donné un coup sur la tête de l'autre italienne, la pauvre. Ouais, elle a donné, mais comme par hasard, c'est un Brésilien, une Brésilienne qui était derrière. Ouais, comme par hasard. Ah ben oui, ah ben oui, les Brésiliens, faut faire attention. Quand on regarde derrière, hop, ils sont là. Hop, hop, on se retrouve, hop. Ouais, mais hop, on nous avait volé des médailles, monsieur. Ah mais on n'a pas volé de médailles, ça fait partie du jeu, mais c'est chouette, hein. Peut-être vous pouvez vous excuser au nom de tous les Brésiliens. De quoi? Vous avez volé la médaille à la fille, là. Vous avez hué notre champion Renaud Lavillenie. Puis vous avez tout organisé la nuit pour qu'on soit fatigué en décalage horaire. Ouais, mais moi ça me fait pas rire, monsieur, parce que j'ai les boules pour la France. Je vous dis, j'ai mal à ma France. Oui, c'est vrai que le décalage horaire, c'est pas juste, hein. C'est pas juste. Bah ouais, c'est pas juste. pour vous excuser, chantez-moi une samba ou un truc brésilien là. Un truc brésilien? Ouais. Je ne sais pas. Brasil, parapam, parapam, parapam, tu, tu, tu, tu, tu, parapam, parapam, et voilà. Et vous dites pardon la France qu'on a volé des médailles. On n'a pas volé des médailles, non, c'est pas juste. Alors vous dites pardon la France, et pour le décalage horaire, on a fait exprès d'organiser la nuit. Alors le décalage horaire, je ne suis pour rien non plus. Hein. Mais nous, le public, on était fatigués et de regarder la nuit, mais moi le matin, j'avais plus de yeux pour aller travailler. Et je vous dis franchement, j'étais trop fatiguée, quoi. Ah oui, oui, oui. Non, et puis non, nous, on les a moins bien supportés devant la télé parce que c'était la nuit, on était moins, et ça peut-être, ça peut-être fait qu'ils n'ont pas gagné comme ils auraient dû. Oui, oui. Allez, chantez-moi une petite chanson du Brésil encore. Bon, là, je ne peux plus, je suis au travail. D'accord. C'est bien de votre discussion. Ouais, je vous ai pas dit mon nom. Comment ça, oui. Alors, je m'appelle Anne Roumanoff. Ah bon? Et vous êtes un nouveau neuf, vraiment? Ouais. Et vous allez passer sur Europe 1. Oh, je vais écouter tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, chantez-moi Europe 1 sur le style brésilien. Et voilà. Hey, Brésil. Je vous pardonne que vous avez maltraité la France au JO. D'accord, merci beaucoup. Ah, j'ai reconnu Christina du Bois de Boulogne que j'ai croisé l'autre jour. Ils sont quand même sympas, ces raisons. Dans quelques instants, Jean-Philippe Visini va nous expliquer comment être un musulman discret. C'est un conseil de Jean-Pierre Chevènement. Ça vient pas de moi. Hein. Ah non, je me doute bien. Et tout de suite, on prend des petites nouvelles de la politique. François Fillon s'est déclaré contre le burkini. Ça lui cache les sourcils. Sarkozy a écrit 2 livres depuis le début de l'année. Heureusement qu'il repart en campagne, sinon il nous pondait une encyclopédie en 12 volumes d'ici Noël. Jean-Pierre Chevènement a annoncé qu'il veut construire des ponts avec les musulmans. Alors moi j'y connais rien en construction, mais je crois que ce serait peut-être plus simple de construire un pont avec des briques. Emmanuel Macron s'est rendu au Puy du Fou. Alors il aurait dit à Philippe de Villiers, j'aime beaucoup vos attractions, qui lui aurait répondu, moi j'aime bien ton manège. Sur Twitter, Sarkozy a déclaré, à compter de ce jour, je pars à la rencontre des Français. Et moi j'ai peur, hein, parce que il sait où on habite lui. Hein. Arnaud Montebourg voudrait que les sénateurs soient tirés au sort par les citoyens. On a déjà du mal à les tirer de leur sommeil. Bruno Le Maire veut revenir au septennat. Jean-François Copé veut revenir, tout court. Aide à la recherche du premier emploi. Les formulaires de demande en ligne sont disponibles depuis hier. François Hollande en aurait téléchargé un. Mais c'est bon. Alors, je vous présente Jean-Philippe Visini. Ne soyez pas surpris. On a toujours l'impression que soit qu'il abuse, soit qu'il sort du lit. ou les deux. Et c'est ni l'un ni l'autre, c'est sa manière de parler. Ben, parce que, voilà, chacun est différent. On a des, faut accepter la différence des autres et, il y a peut-être des gens qui aiment bien mon style et, il faut les respecter, voilà. Moi, je me sens pas différent. Pourtant. Alors. Donc c'est musulman, voilà, parce qu'il y a des musulmans discrets. Alors est-ce qu'il y en a qui sont pas discrets, voilà. Il a dit il faut musulmans discrets. Ben il y en a plein, c'est vrai. Il y en a plein des musulmans discrets. On les voit pas. Par exemple François Hollande, c'est un musulman discret. Si parce que pour qu'il soit réélu, il fait la prière 5 fois par jour. Là il est parti en vacances et les gens ils gueulent hein, parce qu'ils savent pas où il est. Tu vois, oui, mais il est discret. Il est musulman discret, il est président discret. Même sa femme est discrète, tu vois. Non, mais c'est pas compliqué d'être discret, c'est simple, hein. Par exemple, Balkany aux impôts. Il est discret. Carla Bruni en concert. Elle est discrète. C'est pas compliqué d'être discret. Depardieu à la salle de sport. Fait pas beaucoup de bruit, hein. Non, c'est bien d'être discret. Alors, Jean-Pierre Chevènement, il a dit musulman discret. Alors, c'est là que tout le monde s'énerve contre lui parce qu'on sait pas trop ce que c'est un musulman discret. Enfin, on sait pas. Mais moi, j'ai mon meilleur pote, c'en est un. C'est un musulman discret. Par exemple, lui, pour l'Aïd, il met pas de djellaba. Non, il met le costume du Père Noël. Tu vois, alors, ça veut plus rien dire, mais c'est discret. Et puis en plus, tu vois, on garde le côté djellaba, tu vois, côté ample et tout, mais avec la petite touche festive de Noël, hein. Ça fait plaisir. Alors, sauf quand l'Aïd tombe en plein été, tu vois, tu te retrouves déguisé en Père Noël le 15 août. Bon, ça, c'est des problèmes de calendrier, on n'y peut rien. Mais bon, par exemple, moi, mon pote, il a trouvé un moyen de pas se faire griller pendant le Ramadan. Toi, pour être discret, il fait Ramadan la nuit. Le jour, il mange comme nous. Et c'est la nuit qu'il fait discrètement. Il fait le Ramadan pendant qu'il dort, il jeûne. Tu vois, il est musulman, mais discret. La dernière fois, on était dans le wagon-bar, tu vois, il voulait un sandwich. Il n'y avait plus que des jambons-beurre. Il restait plus que ça. T'es drôlement emmerdé, tu vois, pour rester discret après un whisky. T'es musulman discret, tu vois, c'est tout un concept. C'est-à-dire, t'as le droit d'être musulman, mais il faut pas qu'on s'en rende compte. Tu vois, parce que nous, en France, on veut que les gens soient différents, mais à partir du moment où ils sont comme nous. Et voici maintenant des petites nouvelles internationales, parce qu'ici, on n'est pas franco-français. Coup d'État manqué en Turquie, Erdogan va tellement loin dans les purges qu'on le surnomme le dragé Fuka turc. Impôt sur le revenu, dans un communiqué, la mafia sicilienne a déclaré soutenir le prélèvement à la source. Égypte, une chambre secrète retrouvée dans la tombe de Toutankhamon. Alors nous avons enquêté, en fait il s'agissait d'une simple visite chez Valéry Giscard d'Estaing. Et on termine avec des faits divers. Villefranche-sur-Saône, une auto-école réservée aux femmes fait polémique. C'est vrai, c'est choquant, mais je pensais pas que les femmes avaient le droit de passer le permis de conduire, moi. Oh. Quoi ? Là. C'est dans pas... le Var, ivre, une directrice de centre de loisirs termine en cellule de dégrisement. Comme quoi, les enfants, ça saoule. Gironde, un automobiliste contrôlé à 4,75 grammes d'alcool. Quand il a soufflé dans l'alcotest, il a vomi. Un vacancier empoisonné à l'eau dans un bar de Cannes. Rassurez-vous, Depardieu va bien. Anne Romanoff. Et bien maintenant, on retrouve Antoine Bueno qui va nous expliquer ce qui monte et ce qui descend. Oui, alors c'est une chronique en forme de devinette. Hein. C'est un jeu et donc comme tout jeu, le principe c'est de... Jouer. Oui, jouer, c'est très bien. Alors voilà, donc tout le monde peut jouer hein, autour de la table. Vous pouvez jouer. Évidemment, le public ici au studio, je sais pas quoi, d'Europe 1, vous pouvez jouer. Non, je sais pas quoi, c'est un nom. Merlin. Oui, moi je le connais Merlin. Pas. Merlin, comme l'enchanteur. Ben oui, ça tombe bien, c'est raccord avec l'émission. Et puis comme évidemment... le roi. Il y aura Merlin pour le roi, mais absolument. Merci. Absolument. Tout à fait. Je fais des travaux en ce moment, c'est pour ça. Évidemment, derrière votre poste, vous pouvez jouer aussi, mais alors on ne vous entendra pas, hein, parce que c'est ça toute la différence qu'il y a entre la radio et le téléphone. Bref, donc alors je vous dis, ça monte ou ça descend, et vous devez essayer de trouver hein, ce qui monte, ce qui descend. Alors le prix du gaz, par exemple... Ça monte. Bah oui, évidemment, ça monte, hein, 2% en moyenne depuis le 1er août, alors de quoi ne plus cuisiner qu'au micro-ondes. Hein. La rémunération du PEL, est-ce que ça monte ça ou est-ce baisse. Que ça descend? Ça descend. Ah bah bien sûr, vous êtes très fort, hein, non, c'est incroyable, non, effectivement, ça descend 1% contre 1,5% jusqu'ici. Par comparaison, hein, si le boulanger vous enlevait l'équivalent sur votre baguette, ça s'appellerait plus une baguette, ça s'appellerait un quignon de pain. Alors, voilà, bientôt, on paiera hein, pour alimenter son PEL. Alors, on l'a dit, hein, la consultation chez le médecin, ça monte ou ça descend? Ah, non, vous avez ça suivi, ça monte, mais bien sûr, ça monte 2 euros à 25 euros, l'autre 23 euros à partir de mai 2017. Donc, vous avez encore 8 mois pour choper un max de saloperies à prix cassé. Alors, go hein, vous vous exposez au soleil sans crème, hein, vous forniquez avec des inconnus sans capote, vous vous piquez avec des seringues trouvées dans la poubelle, vous léchez un lépreux, enfin vous faites ce que vous voulez. Jusqu'à mai 2017, c'est à prix cassé. Nicolas Sarkozy, alors lui, je sais pas s'il change d'avis, mais ça monte ou ça descend? Ça revient en tout cas. Ça revient. Ouais, mais donc ça va le monter un petit peu, hein, sa déclaration surprise. Les chiffres du chômage, ça monte ou ça descend? Soi-disant, ça descend, mais je crois que ça monte. Et c'est là que je vous avais dit qu'il y aurait peut-être des pièges. Et ben oui, c'est les deux. Disons, ça monte pour les uns, ça descend pour les autres. Hein, ça descend pour l'INSEE, ça monte pour la DARES. C'est ça qui est bien avec les chiffres de chômage. Hein. On peut leur faire dire n'importe quoi. De toute façon, si on comprenait quelque chose au chômage, ça fait longtemps qu'il n'y en aurait plus. Le compte Twitter de l'émission. Ça monte très lentement, mais ça monte. Oui. Alors mon compte en banque à moi, ça descend. Ouais, c'est descendu pendant les vacances, mais là avec l'émission, je vous assure, ça va vraiment bien remonter. Bon, bravo. Voilà, c'était ça monte, ça descend. Merci. Merci Antoine Bueno. C'est déjà la fin de cette émission. Oh, non, je reste, je m'en fiche. Ça passe trop vite. Oui. Demain, c'est Régis Laspalès qui sera notre invité. Dans un instant, Europe Midi avec Maxime Switek. Et moi, je vous dis à demain midi. Merci beaucoup. Pour Market. L'année prochaine, mon neveu rentre au CP. Il lui faut des stylos de grand. J'ai ce qu'il vous faut, Michel. C'est la rentrée chez Carrefour Market et jusqu'au 11 septembre, avec votre carte de fidélité, il y a 50% d'économie sur le lot de stylos Bic Cristal Original Bic. Ça, c'est une promo stylée. Et c'est aussi valable sur d'autres produits scolaires essentiels de la rentrée. Vous avez vraiment tout prévu pour la rentrée, hein? Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Lot de 20 stylos plus 7 gratuits, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Bonjour, c'est Yolaine Delabigne. Aujourd'hui avec Sandrine Huzé, responsable du développement des laboratoires NutriSanté, nous parlons d'une étape importante dans le cycle naturel de la vie d'une femme, la ménopause. Oui, bonjour Yolaine. Il faut savoir que la préménopause et la ménopause concernent aujourd'hui environ 14 millions de femmes en France. Avec ce qu'on connaît, les bouffées de chaleur, fatigue, sueur nocturne, sautes d'humeur, ce sont les désagréments les plus fréquents? Effectivement, et au quotidien ça peut être difficile à vivre. C'est une fatalité? Non. Avec Manae, les laboratoires NutriSanté proposent une vraie solution pour toutes les femmes. Manae? Oui, Manae, c'est une association unique d'actifs d'origine naturelle, sans aucune source d'hormones, c'est-à-dire sans soja, ni houblon, ni trèfle, ni lin, ni sauge. Donc la physiologie naturelle est respectée? Tout à fait. Manae préserve la féminité de chaque femme et aide à vivre sereinement la ménopause. Et où est-ce qu'on peut trouver Manae? En pharmacie et en parapharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. Merci Sandrine et à bientôt. À bientôt Yolaine. Manae, des laboratoires NutriSanté. Pour votre santé, évitez de grignoter. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la première ligue et la Liga portugaise en exclus sur SFR Sport. Enfin, la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr.